Exercice 10, page 49. A. Vous présentez lesquels ? Transformer. Je présente cela. B. Vous préférez lesquels ? Transformer. Je préfère cela. C. Vous réservez lesquels ? Transformer. Je réserve cela. D. Vous prenez lesquels ? Transformer. Je prends les deux. E. Vous laissez lesquels ? Transformer. Je laisse les deux. F. Vous voulez lesquels ? Transformer. Je veux les deux.